L'un et l'autre, ils viennent d'Amsterdam. Et cette recherche, peut-être que avant de commencer votre présentation, vous pouvez nous dire deux, trois mots sur le contexte de cette recherche. Oui. Bonjour. Et j'ai eu donc je d'abord un petit avertissement. Enfin, j'ai vu le titre et les organisateurs ont gentiment traduit le titre. Et alors, vu quand j'ai vu le titre la première fois en français, je me suis dit. Ça veut rien dire. j'imagine que la réaction positive, c'est j'espère que ça a donné envie des gens d'en savoir plus. Et en fait, le titre veut dire quelque chose. En fait, c'est une très bonne traduction, mais on comprend que c'est une bonne traduction que quand on a lu l'entièreté de l'article. Donc j'espère que ça n'a pas. Ça n'a pas eu un effet de. Donc, en fait, c'est une bonne idée, on essaie d'expliquer pourquoi. Donc Olga, ici, ne parle que anglais et russe, et peut-être un peu allemand. Et néerlandais. Mais donc on apprend, plutôt que le russe, on a pris l'anglais, donc elle va parler en anglais. Pour des raisons que je vais indiquer, je vais parler en français et je vais essayer de résumer un peu ce qu'elle dit. Si à un moment vous ne comprenez pas, vous me dites, puis j'essaie de retraduire. Et donc on fera semblant que c'est une question de langue et pas que ça s'est mal exprimé. Voilà, donc alors cette réflexion qu'on va présenter ici, c'est une réflexion qu'on a menée à partir de nos histoires respectives sur la réflexion sur les développements. Récent de la forme marchandise et de son rapport au développement de types de contenu ou de biens et services qui éventuellement se prêtent mal ou moins bien à cette forme. En tout cas, l'idée c'était de réfléchir ensemble à partir du travail notamment qu'Olga a mené sur la question des économies virtuelles, la question de la copie des biens audiovisuels et de la musique en général, mener à partir de ça une réflexion plus abstraite sur la question de la forme marchandise, en prenant en utilisant cette réflexion pour se saisir d'exemples divers qui concernent les biens audiovisuels et les technologies de l'information, mais qui remontent à la question des biens agricoles. Tout en essayant d'inclure un certain nombre d'autres exemples plus récents sur la question des mondes virtuels. Voilà, donc je fais exprès de ne pas rentrer dans les détails, je vais laisser Olga introduire en anglais la recherche et je vais embrayer après qu'elle ait commencé. I'll try to speak as clear English as possible. Feel free to raise your hand and stop me if you don't understand something, okay? My intellectual marriage to Sebastian has run for, quite a number of years, and it's very deep, but I have no idea what he said just now to you. And there probably will be few inconsistencies as we speak to you today, guys. So forgive us for that. We do not yet connect on pre-linguistic level. We're still used to using language and speech in our communication. So, but I understand that the context of the introduction was our shared interest in what's going to happen to capitalism as we transition to new information technologies. And what in this transition may prove problematic in the future of capitalism. Right, so we will try to reflect on the rise in information technologies, and we'll try to theorize together with you what exactly this means, what it represents for the future. So the idea that we are moving towards an information society, or that we are living in the digital age, are not new. neither is new the suggestion that the move means an epochal shift from tangible to intangible commodities, from physical to non-physical. We put this picture for you as an illustration to give give this visual representation of how today we think in terms of networks, social networks, information networks, energy networks, and so on and so forth. And indeed, a number of very influential thinkers were moving toward understanding the network as constitutive, as the basic thread of social and economic life. Emmanuel Castells, in Labor and Capital, argues that key driving forces of industrial society are replaced by flows of knowledge and information, and there is a new informational mode of development. Mollier-Boutang writes that although the regime through which surplus is expropriated and accumulated as capital should still be called capitalism, the regime itself has entered its cognitive phase, and so we have the intellectual tradition of thinking about cognitive capitalism. Paolo Verno, the Italian thinker, argues that capital extracts value from virtuosity, from the know-how, from the creative potential of the worker, from the worker's ability to conceptualize, improvise, and make decisions, and that's fundamentally different from the 19th century industrial form of capitalism. A very different thinker, Richard Florida, with a very different political program in mind, also tries to theorize the same shift when he writes about the rise of the creative class and creativity being the major unit and the target of a new economy. So a number of people try to grasp this shift, the issue of transitioning away from material commodities to seemingly immaterial commodities. So we take on this very similar issue and formulate it as a question: what happens when products are configured and distributed digitally? Donc la question, je reprends un petit peu en français. Donc la question qui vient de se poser, c'est que se passe, qu'arrive-t-il à la forme marchandise ou à la marchandisation lorsque émergent, notamment dans des secteurs à très forte croissance, des biens et des services, notamment des biens qui peuvent être qui sont numériques et en partie qui prennent des formes immatérielles. Pour poser cette question-là, donc on doit d'abord faire une distinction importante entre des questionnements sur la marchandise, la substance de la marchandise, c'est-à-dire des questionnements substantialistes, on va dire, sur la marchandise, savoir si c'est des vraies marchandises ou des marchandises fictives, hein, pour reprendre une distinction marxiste classique. Nous, on ne se pose pas cette question-là, on ne se pose pas de savoir si les marchandises sont fictives ou réelles, on se pose la question du processus de marchandise, hein, du processus de mise en marchandise, hein, de marchandisation, et on se pose la question du possible décalage ou tension entre ce processus de marchandisation et les types de biens et services qui sont l'objet de ce processus. Et pour résumer un petit peu l'argument général de la présentation et puis de l'article qui a été associé. Donc quand on dit, le titre de l'article, on parle de content containment, donc c'est l'idée de rencontre entre cette forme marchandise et puis ce qu'on a appelé le contenu qui peut prendre la forme de biens, de services, de signal, etc. Yeah. Oh oui, sorry, I'm going to be... Voilà, no, I'm still here. So, l'idée dans les débats sur la question du virtuel et du capitalisme, hein, c'est que en tant que forme, la forme marchandise a toujours été virtuelle, en tout cas elle a été toujours distincte analytiquement des biens et services qu'il s'agit de marchandiser ou de faire rentrer dans la forme marchandise, et que quand on a bien distingué ces deux formes analytiquement, on peut retracer des moments de l'histoire de cette rencontre, l'histoire politique, et des possibles tensions entre la forme et le contenu. Donc la prise d'opposition, disons, théorique là, c'est qu'on pense contre, pas contre, en tout cas, c'est une prise d'opposition par rapport à d'autres possibles approches aujourd'hui sur la question sur ces questions de sociotechniques, hein, c'est qu'en distinguant la forme et le contenu, on peut analyser les tensions entre ces deux éléments. Et à partir des exemples qu'on va donner... À partir des exemples qu'on va donner, on va analyser, on va montrer des exemples de tensions fortes entre notamment des nouveaux produits, mais aussi des produits plus anciens comme les produits agricoles, comme les graines essentiellement. On va montrer que ces produits, ces contenus posent des défis particuliers à la marchandisation, mais on va essayer de défendre l'idée que ces défis particuliers ne viennent pas de la question de l'intangibilité des produits, mais d'un certain rapport à leur reproductibilité, la forme, le fait que ces produits peuvent être ou ces services peuvent être reproduits à des coûts marginaux extrêmement faible, ou qui peuvent être transmis aussi à des coûts négligeables, et que ces propriétés sont beaucoup plus importantes que la question de l'immatérialité. On va montrer qu'il y a des formes d'immatérialité qui peuvent rentrer très facilement dans la forme marchandise, et notamment en fait très souvent l'immatérialité des services qui sont plus facilement contenable dans la forme marchandise, et à l'inverse, il y a des formes de matérialité extrêmement problématiques qui ne peuvent pas, comme la matérialité des biens vivants, notamment agricoles, qui posent des problèmes tout à fait importants à la forme marchandise. Parfois plus que des produits dits virtuels. Et donc l'idée, c'est qu'on va analyser non seulement les problèmes ou les tensions que ces biens représentent pour la forme marchandise, mais aussi des réponses qui ont été données par notamment les entreprises producteurs de ces biens en termes de développement de ce qu'on a appelé des prothèses de la forme marchandise, d'une part des prothèses dites juridiques, avec ce que va décrire Olga, c'est-à-dire tout l'appareil juridico-institutionnel de la propriété intellectuelle, notamment autour des biens audiovisuels, mais on va aussi montrer que ces prothèses juridiques ne sont pas en fait suffisantes pour maintenir ces biens et services dans la forme marchandise, et qu'elles ont été complétées par ce qu'on a appelé des prothèses technologiques sous la forme de technologies qui vont à l'intérieur, qui vont produire matériellement, transformer matériellement la forme, les biens et services à l'image de la forme marchandise, que ce soit en termes des nouvelles technologies d'information, ou des biens et services agricoles. Voilà, donc là on va commencer par... Alors oui, non, il y a trois conclusions à laquelle on va arriver. Je le dis maintenant pour vous donner à mieux entendre ce que va dire Olga après en anglais. Alors d'abord, c'est que une première conclusion, c'est que d'un côté, on pourrait penser, alors on va d'un côté, ce qu'on a appelé cette inflation prosthétique de la forme marchandise, de la. Alors, et là pour la. Comment dire, se développe dans le but de la maintenir, mais que elle, d'une certaine manière, plus la forme marchandise a besoin de prothèses, plus, disons, sa naturalité est en question. Et comme une partie de la réussite, du succès de la forme, de la forme marchandise tient en sa, disons, de son succès, disons, idéologique, tient dans sa capacité à imposer, disons, la croyance dans sa naturalité, dans le fait qu'elle s'auto-contient, eh bien, plus il y a un appareil juridico-institutionnel et technologique qui se développe, moins ce fétichisme de la marchandise, d'une certaine manière, est évident. D'un autre côté, les prothèses technologiques qu'on va décrire, eh bien, confèrent une nouvelle matérialité à la forme marchandise, avec, d'un côté, un effet idéologique de cette matérialité, puisque d'une certaine manière ça permet de renaturaliser les marchandises qui sont elles-mêmes retransformées quand le grain, que on va décrire par exemple le maïs Monsanto Terminator qui est transformé à l'image de la à l'image de la forme marchandise, ou certaines technologies qui permettent d'empêcher la copie des CD, etc., donc qui vont transformer les biens audiovisuels ou technologiques à l'image de la forme marchandise, bien contribuent en partie à renaturaliser cette forme marchandise. Mais on va montrer également que en introduisant la matérialité, en réintroduisant des formes de contient de containment, ce qu'on appelait le containment, donc de contenance matérielle, ces prothèses réintroduisent des vulnérabilités qui étaient liées à la matérialité de la marchandise elle-même, et donc elles-mêmes réintroduisent des formes de vulnérabilité qu'on va décrire. La dernière conclusion. Réintroduisent des formes de vulnérabilité qui sont liées à ce qu'on a appelé la manipulabilité de la marchandise. Je m'arrête là, c'est la forme abstraite. On va commencer par les. On va. Well, now we're here. Just here. Actually, I think I said this. Yeah, I think you did. Come on. So, we're here. Well, let me just say this because this was related to the slide. Non, quand j'ai décrit, tout à l'heure, j'ai décrit cette idée que il y avait des formes de matérialité qui rentraient facilement dans la forme marchandise et qui avait dans lesquelles, disons, l'appareil juridique empêchant la copie, disons, arrive plutôt comme une extension non pas optionnelle, mais disons moins fondamental pour le bien en question pour le bien en question. C'est l'exemple de la, bon, on donne l'exemple de l'article de la voiture Ford, c'est-à-dire que pour reproduire la voiture il faut à peu près une dépense en termes technologiques qui est assez proche de la dépense de la première voiture. Alors que pour reproduire un objet immatériel, par exemple un fichier MP3 qui a bien sûr une infrastructure matérielle, on y reviendra, on peut la reproduire de manière à un coût négligeable. Par contre, si vous prenez un concert au 19e siècle, avant l'ère des enregistreurs, là, vous avez la reproduction du concert demande à peu près la même dépense que la production du concert. Et donc, vous voyez bien qu'on a deux. La musique produite par le concert au 19e siècle, avant l'ère des enregistreurs d'un côté, et puis là, vous avez la musique produite par une piste MP3. Là, vous avez deux formes d'immatérialité, dont une se prête très bien à la forme marchandise, le concert, et puis l'autre que se prête très peu à la forme marchandise, puisqu'elle la déborde très facilement. We have two more slides, maybe you want to say something about them too? Okay. Je l'ai dit. Cette idée que évidemment, il s'agissait d'analyser la marchandise comme un conteneur social et d'analyser les contradictions possibles entre le conteneur et le contenant et analyser se rendre compte que percevoir dans les évolutions récentes des technologies de l'information des possibles fragilités du contenant dans sa relation au contenant. Okay. And I talked about prostheses. Yeah. So. Okay. All right. So we have three examples, and we treat them methodologically as paradigmatic examples. Put differently, as epistemological windows into three different moments of materialization, right? Three different forms of content containment. One is digital right management forms, together with them, copyright or intellectual property regime, as we know it today. The second is the control of genetic materials, on the example of Monsanto grain. And finally, our third paradigmatic example are online games, the multiple player online games such as Second Life, World of Warcraft, but there also will be a few more examples as we speak, as Sebastian speaks. Again, please do not treat this as a representative or generalizable cases. They are not. What we're trying to do with these three examples is to instantiate three crucial moments in the content containment of a commodity in the digital format. And so, here we go with our first instantiation, copyright or intellectual property regimes. I understand that Sebastian spent quite some time making a distinction between the forms of physicalization, how the content is mediated, how it acquires its physicality, how it acquires its physicality as the mode of reproduction, right? Production and reproduction. One interesting thing about digital contents, be they a song, a movie, a game, any software, is that the mode in which they exist has its own distinct impact on the media object. And this this mode of existence offers definitive advantages, but also disadvantages to media and entertainment industries. So among the advantages are the possible quasi-instantaneous transmission from one geographic location to another without any loss of quality. So think about iTunes or any streaming services. This is a perfect example where the quality does not diminish, the quality of reproduction does not diminish because of a time or space distanciation. So traditional delivery and service costs can be eliminated in this case, diminishing the cost of production for the industry. Furthermore, digital contents appear in different packaging. You probably remember cassettes, then we transition to optical discs, we have Walkmans, right? Now they circulate as media files, but also ringtones for phones, etc., etc. LPs seem to be back on the market. So this recycling and repackaging, studios catalogs, recycling and repackaging contents, one and the same song from one media format to another, allows industries to re-up additional profits on the same content over and over again. And this is accepted as one of the major way of profit making in media economics. So this changeability of the medium qua physicality present great advantages. However, this liquidity, right? We call this ability of contents to transition from an LP into an MP3 format liquidity. So this liquidity also poses a challenge. Media contents bleed out of the zone of industry's control. And I'll give you one example which is very, very common in the Global South, and that came up in the studies of media piracy. So very often, optical disc printing factory signs a contract agreement for producing, let's say, 500,000 copies of White Stripes album X. And they do so contractually during the official work hours. But in the after hours or during lunch break, they print extra 500,000, which are not contractually licensed in by the agreement. The quality of those unlicensed optical discs, CDs, is exactly the same as those that are licensed. It is very high, right? But they are not covered by copyright in this case. So this is an example of bleeding of the content. The bleeding that cannot be actually detected in the ways which are not dependent on the paper trail. You need a contract, you need a license, you need a legal regime supporting or differentiating one bunch of CDs, which is legal, from another bunch of CDs. So these kind of instances create the gray zone where the initial advantage, the liquidity, turns into a disadvantage for the industry. If the content cannot be controlled, if the copying and their reproduction cannot be controlled, then the profits, so we are told by the industries, the profits diminish. Another example for you guys, it's not about optical discs, because you can say that, you know, no content circulate in optical discs, at least not in the global north anymore. Is hijacking satellite signals. Since a lot of content now is streamed in satellite signal, you subscribe from service providers to receive, say, a movie on demand in your home. Now, there are numerous shadow services that exist in cities as different as Paris and Chicago or New York and Moscow, in which this satellite signal can be hijacked. And the shadow companies sell magnetic cards for decoding encrypted programs on satellite so that you can actually watch them for free at home. So again, in this case, physicality, the form in which the content is presented, the form by which it's mediated, threatens the commodity status of a movie or a TV program. How do industries deal with this threat? You probably noticed that the amount of legislative acts, the number of copyright legislature has exploded recently. There was a very clear move toward criminalization of unauthorized copying. So if you download the movie, you now are criminally charged in case your provider catches you on doing that. There was a number of high-profile legal cases in the United States primarily, but they are now entering the European space as well, in which unauthorized reproduction of contents is considered a criminal offense. So not only the body, the legal body, becomes more complicated and copyright grows and covers more and more acts, but the agencies, organizations that support copyright also grow in numbers. They grow exponentially in space, becoming more and more international, more and more global. And this graph that we put here for you is the illustration of the vast networked governance of intellectual property that we face today. The interesting thing that you can see here is the merging of public institutions, such as national governments, with private interests, various business associations, but also the industries themselves. So here, yeah, on the, which hand is it? Left. It's the right hand. Left. No, this is the right hand. Yes, left. So on this side for you, you can see it's a list of industries, right, the private interest, and you can see how they mediate their influence on foreign country and foreign governments by first associating into professional associations, forming international alliances. The budgets very often come from the businesses themselves, but they also merge with taxpayers' money in the countries in which policing operates. So Brazil pays up to 200 million peso to the IP enforcement within the country, the protection of music and movies from pirating. And then a whole range of private public agencies are formed locally in cities and regions in different countries to support intellectual property regime. So this development we call institutional swelling. So in last 2 decades, the number of agencies, both international and domestic, both private and public, grew exponentially. So it's an institutional swelling that c'est juste ce que traduit, c'est ce qui se traduit par un gonflement, enflement institutionnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Yes, and these agencies and institutions both generate law, judicial body of regulations, right, that control the flow of digital contents. But at the same time, these agencies operate as juridical prosthetics. That's the same word, right? Yeah. As juridical prosthetics. Critical legal scholar Christopher May and Susan Sell write extensively on this issue, on the issue of networked governance and growth of IP enforcement networks. When I say IP, I mean intellectual property enforcement. Now, the very fact that the majority of countries in the Global South have their music and video markets dominated by illegal copies. They are pirate markets. In India, a movie market is 83% pirate. In Russia, music market is 58% pirate. This suggests to us that institutional or juridical prosthetics are not enough. They are not effective, even though they eat a lot of national budgets and a lot of corporate budgets to support. So to deal with the gaps and fissures left in the field of or left in digital media markets by copyright. Industries since the early 90s and 2000s started preventing unauthorized copying by the means of DRM, digital rights management systems and digital rights management technologies. So you probably remember camcorder detectors in movie theaters when bootlegged movies were still popular and VHS with a bootlegged movie could be bought in the street. Is bootlegged an international word? No. Too much? Contrebande. Okay, so you know when someone sat in the movie theater with a little com camera and was shooting the movie from the screen, the early detectors of those cameras were introduced to prevent unauthorized copying. Today, blogs discuss studio-controlled satellite beaming contents from one centralized location directly to movie halls to avoid the situations in which camcorder recording would be possible. Original codes have been among well-known instances of DRMs. They operate to monitor the geographic circulation of optical discs. So Europe operates with a regional zone code 2 and the US is 1. If you buy a movie in the States, you cannot play it on playback equipment in Europe and vice versa. So regions are controlled by encryption in the content itself on a DVD or a CD. And a watermark, that is a small software that comes very often with movie content when you download it from Amazon or from iTunes, and which records or counts how many times you exactly played the movie or on how many devices, right? Apple authorizes right now 5 devices. Registered devices on which you can play the same content. After that, the content gets blocked or destroyed. So these are digital right management technologies are different from institutional prosthetics. They are technological prostheses because they are encrypted. They're written into the code of the music or the movie itself. So they operate from within. They provide, they turn copyright from an external law into the internal law, into the internal policing. So they function as technological prostheses. They are extensions of juridical and institutional devices of content containment. And they signal a prosthetic physicalization of the commodity for us. And I believe we're now moving to... Donc, si je reprends hein, ce que Olga vient d'expliquer, elle a décrit le système de la propriété intellectuelle tel qu'il s'est développé et de manière exponentielle autour des nouvelles technologies de l'information et la manière dont ce système de propriété intellectuelle de contrôle juridique de la marchandisation, eh bien, c'est doté non seulement d'un appareil juridique, mais aussi d'un appareil technologique qui est venu compléter ce que le terme containment, finalement, on n'a pas trouvé de traduction. Le contenant est contenu. Oui, mais c'est l'action de contenir, donc on aurait dû la trouver en avance. Can I help you? Yeah, no, we're looking at the translation for containment. Ah. Ce que la... Il n'y a pas de mot en français, en fait, pour dire pour l'acte de contenir. Je crois pas. Bon, donc ce que le... Enclore. Comment ? Enclore. Voilà, c'est en fait, c'est l'enclosure. C'est ce qu'on appelle l'enclosure. J'ai dit ça enclosure parce que c'est lié à cette tradition de pensée. Donc, l'enclosure juridique, c'est doublé d'une enclosure technologique avec ce système donc, de digital rights management et dans ce qui concerne les nouvelles technologies. Alors moi, j'ai essayé de raconter l'histoire parallèle récente sur la question des agrotechnologies et des biotechnologies autour de l'histoire des graines Monsanto et de la manière dont elles ont été développées, même si leur développement est actuellement en suspens. Alors, depuis les débuts de l'agriculture, les paysans ont pu replanter leurs graines dans le but de produire de nouvelles récoltes l'année suivante. Mais au cours du XXe siècle, vous avez un développement, notamment aux États-Unis, de lois qui viennent autoriser le brevetage d'un certain nombre de plantes et de graines par les propriétaires par les entreprises qui vendent ces graines. Alors au début, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont faites, notamment pour les chercheurs qui veulent utiliser ces graines brevetées pour développer de nouvelles variétés. Et puis les paysans eux-mêmes, les agriculteurs, sont autorisés à garder ces graines pour leur propre usage, avec parfois l'idée qu'ils une autorisation pour leur propre usage de manière juste pour pouvoir replanter une seule récolte, mais pas pour pouvoir revendre ces graines à d'autres agriculteurs. Alors tout ça a commencé à changer à partir du début des années 90, puisque vous avez une commercialisation des premières graines génétiquement modifiées, et qui demandent une très fort investissement humain et financier, et qui a conduit des firmes comme Monsanto à lutter contre ce que le ministère d'Agriculture américain a plus tard appelé unauthorized regeneration, c'est-à-dire régénération non autorisée des graines. Alors, pendant un certain moment, vous avez suite à ces pressions de Monsanto et ce travail en collaboration avec le ministère de l'Agriculture états-unien, vous avez le développement de ce qu'on a appelé des technology agreements, donc des accords technologiques par lesquels les fermiers devaient s'engager, signer un contrat qui leur interdisait de garder aucune de ces graines qu'ils avaient achetées à Monsanto pour les interdisant de l'utiliser l'année suivante. Donc ils ne peuvent pas du tout les garder pour l'utiliser l'année suivante. Le problème, c'est qu'évidemment, quand vous signez un contrat comme ça, c'est difficile à faire appliquer pour Monsanto, puisque vous avez les développeurs de ces graines devaient aller envoyer des agents dans les champs pour prendre des échantillons des récoltes et regarder s'il y avait des usages hors licence de ces graines propriétaires. Et lorsque des usages illégaux ou de la régénération illégale avaient été trouvés, mais il fallait des procédures légales juridiques assez complexes qui elles-mêmes coûtaient de l'argent pour récupérer des royalties qui n'avaient pas été payées ou pour tout simplement interdire ou détruire ces récoltes. Et c'est justement ce problème de police, d'application de ces aspects juridiques de la forme marchandise, et bien qui a été de cette manière résolu par la graine, ce qu'on a appelé les graines Terminator, développées par Monsanto, par un processus qu'on a appelé self-policing, hein, c'est-à-dire d'auto... comment ? Biological. Oui, I'm going to that. C'est-à-dire d'auto-contrôle des graines qui, à l'intérieur de leur code génétique eux-mêmes, se contenaient... un programme, je reprends des termes que tu as utilisés Olga également pour les nouvelles technologies, et bien un programme qui crée un mécanisme qu'on a appelé de suicide, hein, qui par lequel libérait un poison. À la fin de la première récolte, c'est-à-dire que les graines étaient utilisables, mais elles devenaient stériles une fois qu'elles étaient arrivées à maturité. Et donc ça permettait, dans ce développement, d'inscrire les limites légales du brevet dans le code génétique de la plante elle-même. C'est pour ça qu'on a appelé ça le brevet initial de maïs Monsanto, de graines Monsanto, parce qu'il y a plusieurs types, était Control of Plant Gene Expression. Donc il a été surnommé Terminator à cause de ce mécanisme de suicide génétiquement programmé à l'intérieur de la graine qui venait inscrire donc la forme marchandise dans un produit dans un produit vivant qui dans l'histoire de l'agriculture avait toujours été un problème pour la marchandisation puisqu'il dépassait il avait une forme de vie qui dépassait les formes de la forme marchandise puisqu'il pouvait se reproduire d'une manière qui finalement qui permettait son usage comme capital alors que le capital n'avait pas été vendu. Donc l'idée c'est que les agriculteurs ne peuvent pas utiliser ces graines l'année suivante et que cette impossibilité n'est plus juridique, elle est matérielle, elle est technologiquement produite. Et ce qui permet de produire une forme de monopole biologique de l'entreprise qui vend les graines sur ces graines. On utilise le terme de monopole ici donc un concept économique pour dire monopole biologique qui parfois va au-delà en fait des règles du brevet puisqu'il y a des limites notamment à les brevets perpétuels n'existent pas, donc vous avez des limites normalement à la perpétuité des brevets, mais si vous avez des limites technologiques ça va au-delà en fait de l'appareil d'enclosure juridique. Alors, il y a eu des raffinements de cette technologie, notamment des versions qui, au lieu de produire d'être binaire en produisant un mécanisme de suicide ou une survie, d'abord permettaient éventuellement de faire survivre la graine grâce à un antidote, mais il fallait acheter l'antidote à la fin de la première récolte, l'antidote qui était vendu par Monsanto. Donc produire, vous voyez, on s'approche de formes qui ressemblent au streaming ou à pay-per-view, mais produites sur la version agricole. Alors on avait aussi des versions un peu plus complexes qui consistent à développer un trait particulier, une propriété particulière de la graine, donc résister à tel herbicide ou à tel insecte, etc. Et on pourrait la déclencher, enfin c'est des choses qui sont développées mais qui ne sont pas commercialisées, la déclencher sur commande. Donc on achète le bon antidote qui va permettre de déclencher cette propriété mais pas une autre, et selon les années, selon ce qu'on paye, on déclenche un trait ou un autre trait. Donc c'est pour ça, c'est à cause de cette histoire de trait qu'on a surnommé cette technologie Traitor par rapport à Terminator. Alors pour résumer un petit peu ces deux types de technologies d'enclosure, vous avez d'un côté donc ce qu'on a appelé les Digital Rights Management, DRM, de l'autre côté ce que autour de Monsanto et des firmes d'agrobusiness on a appelé les GURTS, donc Genetic Use Restriction Technologies. C'est deux types de processus de contenance qui ont à peu près les mêmes propriétés. Alors comme j'ai dit, voilà, d'une certaine manière, les implications de ces deux types de technologies, enfin, de cet appareil technologique, sont ambiguës. Alors, elles sont ambiguës sur le plan de l'idéologie. Je le rappelle, le principe, une des conditions de la marchandisation, c'est pas seulement des conditions matérielles, mais c'est aussi des conditions idéologiques qui consistent à imposer également la croyance dans l'autocontenance de la marchandise, c'est-à-dire le fait qu'elle n'est pas contenue par un appareil institutionnel, mais que la forme marchandise émane des marchandises elles-mêmes, et non pas d'un processus politique extérieur à elle. Alors, d'une certaine manière, vous avez cette tension. Vous avez d'un côté un développement d'un appareil technologique qui vient inscrire la forme dans le contenu et qui donc produit un effet idéologique qui est capable de renforcer cette fétichisation. Et de l'autre côté, vous avez un potentiel, notamment, qui est utilisé par tous les mouvements de contestation de cette marchandisation, et qui consiste à faire valoir l'inflation des appareils, de l'appareil juridico-institutionnel, alors toujours complexe avec cette ambiguïté de l'intériorisation, hein, dénoncer l'artificialité de cet appareil qui s'impose sur des formes vivantes ou sur des potentialités technologiques qui pourraient les dépasser. Alors, pour prendre juste la question des prothèses technologiques, donc ambiguïté aussi parce que, alors ambiguïté idéologique parce que, en certaine manière, ça peut permettre une refétichisation, mais peut-être que, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans l'article, que finalement, c'est peut-être pas au niveau de l'idéologie que se produisent les talons d'Achille de ces technologies, de ces prothèses technologiques, mais plutôt au niveau de leur matérialité elle-même, qui, en complément de l'appareil juridique, vient réintroduire des vulnérabilités qui étaient présentes dans la matérialité pré-juridique, hein, celle du grain, enfin celle des graines, ou celles de technologies, celles qui sont liées au piratage ou aux potentialités des technologies de l'information. Quand vous réintroduisez des aides technologiques pour contribuer au maintien de cette forme marchandise, eh bien voilà, vous réintroduisez des vulnérabilités que l'appareil juridique avait été en premier lieu venu combler. Et c'est le zonage, enfin, c'est typiquement du zonage, des DVD, le zonage peut être contourné, on peut trouver des proxys pour le zonage, on peut pirater les DVD, on peut copier, donc c'est toute la culture de la copie qu'a décrite Olga, et on pourrait donner tout un ensemble d'exemples. Le fait que, tout simplement, quand on produit des antidotes chimiques pour activer des traits de graines, et bien ces antidotes, eux, peuvent être copiés. Donc vous avez toujours des moyens qui produisent une forme de manipulabilité de la marchandise, et qui, d'une certaine manière, lorsque la forme juridique se transforme en forme matérielle, eh bien, disons, de manière un peu dialectique, vous avez des manipulations du matériel qui, en fait, reviennent à des formes de manipulation du juridique. Qui permettent certaines formes de subversion de cette marchandisation au nom de l'inscription matérielle de la forme marchandise. Voilà. I am here. I'm just here. Okay. I'm here, in fact. Mais également des contestations politiques. You want to get to the political contestation? Are you going to say something about this? I think we're running out of time, so let's skip and just let's get to the game. Or maybe just the comments on this slide that the ideological. Yeah, I said that. Yeah, I said that. Okay. Ok, donc la dernière, on va être obligé d'être rapide sur c'est la dernière partie, mais qui a un peu plus développé. On avait une heure, c'est ça? Oui, mais vous avez pas 10 minutes près, hein, un quart d'heure, c'est 10 minutes, vous pouvez prendre 10 minutes. Bon, donc c'est. D'accord. Okay. We are flexible. Yes, we are. I make it. Et donc c'est d'essayer de voir dans cette. Une fois qu'on a bien saisi ces enjeux et ces ambiguïtés du matériel, de l'immatériel, du rapport entre la forme et le contenu. Ce qui se passe, on s'est intéressé à ce qui se passait dans les mondes virtuels, que ce soit les jeux multijoueurs en ligne, que ce soit des jeux avec enjeux fictifs comme dans World of Warcraft, ou des jeux ou des mondes virtuels comme Second Life, et puis tous ces nouveaux jeux multijoueurs sur Facebook que je connais moins. Eh bien, là, on a essayé de montrer comment, disons, dans les exemples qu'on avait donnés avant, la marchandisation, la marchandisation venait, disons, modifier des formes de vie ou des formes d'existence technologique qui, la, lui préexistait en partie, mais c'est compliqué parce qu'évidemment c'était aussi déjà des produits précédents de forme précédente de marchandisation, mais d'une certaine manière, comme on le dit dans l'article en anglais, commodification was tantamount to modification, hein, c'est-à-dire qu'on va aller modifier y compris à l'intérieur des codes, à l'intérieur des codes génétiques ou à l'intérieur des codes technologiques, les biens pour les transformer en biens marchandisés. Et parfois, d'ailleurs, qui parfois revenait à les transformer en services, on pourra revenir sur cette dimension. Alors, les biens, je vais dire les mondes virtuels, parce que pour être plus rapide, hein, les mondes virtuels, bien, se présentent des propriétés un petit peu différentes, puisque dans ces mondes, eh bien, les transactions, si vous voulez, dans ces mondes, vous avez à la fois la production des marchandises et l'espace de leur valorisation qui est contrôlé qui est entièrement contrôlé par l'entreprise qui définit le monde. Ce qui fait que les formes de piratage, les formes de détournement qui sont possibles lorsque l'entreprise qui produit les biens et l'espace de leur usage et éventuellement de leur échange futur sont deux choses différentes. Ici, vous avez le même espace. C'est comme si vous aviez la forme marchandise qui est transformée en monde virtuel dans lequel la production et l'usage sont contrôlés de manière centralisée par les propriétaires de l'entreprise. Je passe sur les détails des développements de ces mondes virtuels, etc., en termes de chiffres. Donc, d'une certaine manière, tout ce qui est vol de propriété intellectuelle devient impossible dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'extérieur. Puisque l'usage lui-même est encodé dans le programme. Donc, vous avez un espace de valorisation, disons, par excellence, puisque c'est un espace de valorisation qui ne laisse aucune place au détournement. Et là, vous avez une forme radicale de... Alors, on avait déjà avant, dans la version des GURT et des DRM, vous avez le code qui prenait la forme... qui prenait forme de loi à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une incorporation technologique de la loi à l'intérieur des produits. Ici, vous avez une technologisation de la loi, mais d'une manière qui spatialise cette forme marchandise, puisque l'espace lui-même est contrôlé. Et donc, vous n'avez plus le risque, normalement, que lorsque vous vendez un produit, vous vendez notamment ces produits particuliers qui peuvent être copiés très facilement, en tout cas, qui peuvent théoriquement être copiés très facilement, vous n'avez pas le risque de vendre les moyens de production en même temps que vous vendez les produits. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, c'est bien, et c'est un problème qui est lié en fait à la notion même de virtualité, qui est en fait toujours fondée sur une infrastructure technologique, matérielle. C'est que dans l'idéal, la version, disons, revenir à la forme marchandise pure, c'est revenir de cette manière, ce qu'on a dit, au streaming, au pay-per-view, c'est-à-dire à la vente d'une marchandise, d'un bien qui la transforme en service et donc qui la transforme en service ponctuel et qui par définition ne peut pas copier un service sans reproduire l'ensemble du service. Donc il y a quelqu'un comme François Fourquet qui notamment dans sa critique du bouquin de Louis Boutin sur le capitalisme cognitif qui dit plein de choses, mais qui propose notamment que la forme, que la marchandise pure est en fait non pas un bien mais un service, parce qu'elle a les propriétés plus qui épouse plus facilement la forme marchandise, et que donc d'une certaine manière la marchandisation pour échapper aux vulnérabilités qui sont incluse dans la matérialité et non pas dans la virtualité, en fait, consiste à immatérialiser ces marchandises, mais d'une manière qui les transforme en service, donc qui transforme le bien en service. Là, le problème, donc on a ça dans ces mondes virtuels, le problème c'est que, et d'une certaine manière, le service pur n'existe pas, il y a toujours une infrastructure, et notamment dans les questions des biens virtuels, de cette manière, le streaming n'existe pas. Le streaming, c'est un mythe, c'est un mythe juridique. C'est-à-dire que le streaming, pour streamer, il faut toujours déjà télécharger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence technologique entre le streaming et le téléchargement. C'est juste une introduction, une limitation une fois que le téléchargement est obtenu. Donc, la vulnérabilité, c'est que le service lui-même virtuel n'existe pas et qu'on a toujours un transfert du bien lui-même. Et donc, de ces vulnérabilités qui viennent du stockage de ce bien, et que c'est comme ça cette vulnérabilité, alors elle existe dans le bien virtuel en général, mais notamment elle existe aussi dans les mondes virtuels, dans lesquels vous avez des biens qui peuvent être échangés. Mais si vous demandez le code d'une robe pour échanger sur votre avatar, pour que l'avatar essaye la robe, pour essayer la robe, il faut télécharger le code de la robe. Et une fois que vous avez la robe, vous pouvez toujours dire non, finalement elle ne m'intéresse pas, mais vous avez déjà téléchargé la robe. Il y a eu un scandale au milieu des années 2000 avec un logiciel qui s'appelait Copybot, qui avait un autre but dans Second Life, mais qui a été détourné de ses fonctions initiales pour permettre en fait de copier les codes de biens qui étaient loués ou qui étaient prêtés pour échanger, enfin qui étaient transférés pour être essayés, et qui en fait aboutissait au copiage de ces biens. Et ça, une contradiction, une tension à l'intérieur de la notion de bien virtuel et de la solution au problème de la marchandisation que semble avoir produit le streaming ou toutes ces nouvelles compagnies comme Spotify, etc., qui transforment les biens en services et donc en marchandises plus solides, mais qui, de fait, ne transforme pas complètement les biens en services, puisque dans le monde virtuel, les services sont déjà des biens, puisque le streaming est d'une certaine manière un mythe juridique. Voilà pour la tension au sujet de ces mondes virtuels. Et je pense que Olga is going to conclude. I think we're down to the conclusion now. We're down to conclusion. Yeah. Okay. Maybe it will be helpful to just quickly review what comes out of these three paradigmatic cases that we presented to you guys. So when we started with digital content such as music and movie, what we tried to show first was that the technological advancement made the copying or reproduction of digital contents very, very cheap and very easy. So 2 years ago, to duplicate an optical disc, a DVD, would cost you less than €1. And this, in the face of this technological development, then the possibility of a complete saturation of, let's call it market, for the absence of a better word, the music and video market would be feasible. However, the copyright was introduced as exactly a method of creating an artificial shortage, establishing a limit on the otherwise unlimited reproduction and saturation of desire worldwide. In this case, we're talking about cultural desire. So it's fair to interpret copyright and other intellectual property laws as forms of artificial restriction on the scope of circulation, and, as we said, juridical prosthetics that define a commodity, that provide commodity containment. Right? Now, you can say that, all right, so we here looking at two immaterial virtual things. We're looking at the digital content and we're looking at law, which is also not quite material but abstract thing. So the second point that we try to make is that actually the very passage, the very way in which digital content circulates requires particular forms of its physicalization. And in this sense, a beam, a satellite beam, we consider also as material, as an aluminium or polyester, which goes into the production of the optical disc. Manipulating these forms of physicality actually is the way of subverting, undercutting the very working of the juridical forms of content containment. So the materiality of digital content is there, it's not gone anywhere, contrary to our kind of naive perception. And in this method of physicalization, we find simultaneous possibility to undermine the commodity form. That's what P2P, peer-to-peer, BitTorrent sites do today, right? They manipulate the physicality of an MP3, MP4 file and seeding it in such a way that no agency can control and trace this stream of bits, and therefore basically penalize you for free uploading and downloading. Now, the grain seem, again, on the first approximation, seem the perfect example of a material commodity, where the boundary of the body of the material, the physical body of the grain, perfectly correspond with the body of the commodity form. However, what we were showing, the life form here actually reproduces itself, and reproduces itself uncontrollably and spontaneously, which means that the grain is an anti-commodity in some way, right? It, again, it's a physicality, its physicality challenges its status of exchangeable good. And so that status has to be manipulated through various genetic modification and good technologies to actually sustain, to block this reproducibility. Again, the materiality here works against the commodity form. It is the Achilles heel. And from these two examples, the physical mediation works or operates at the same time as a condition of possibility of commodity circulation, and the Achilles heel, the vulnerable point for the commodity form itself. And by resorting to physical containment devices, both DRMs and GERTs risk reproducing the same material vulnerabilities that the intellectual property regimes were devised to contain. Material prosthetics reintroduce matter, and thus the risk of free life without capital accumulation. And now I want to get to our conclusions. So the premise of our thinking, of our argument, has been that the commodity is a social and political form distinct from the content it captures, and that prompted us to focus on the forms of the content containment that we witness today with the transformation of the of technologies. So first, we argued that containment can be juridical in the form of a copyright, but also technological and physical. It's embedded into objects. And this containment confers renewed materiality on the commodity form. Right? It's something that I try to illustrate through the example of music and films. Second, physical materializations of the commodity also provide a fresh handle for its manipulation. So it's like a handle, what is it? Emprise. You know, like you take a hot pot from the stove, you have it by handles. And it gives you access to kind of manipulate, to do things that you need with a pot. So technological policing reintroduces vulnerabilities that juridical containment aimed at curbing. So there is a kind of a contrarian movement going on here. The materialization is a fresh handle for manipulation, but at the same time, simultaneously, it introduces vulnerabilities to the commodity form. And finally, we argue that physical materialization of the commodity also provide a fresh, expanded prosthetics of commodification carry ambivalent ideological implications, right? And here we are getting to the obsolescence concept in the title. Was it in the title? Yes, in the title of our talk today. So the expanded prosthetics of commodification carry ambivalent ideological implications. Heightened material obviousness contributes to reiterate fetishistic beliefs in the self-containment of commodity objects. It's very natural for us to consider a grain, corn grain or wheat grain, as a self-evident commodity. Yet prosthetic swelling, such as an institutional swelling of copyright or budgets of corporations to prevent pirating, these can also become a source of ideological failure and an indicator of obsolescence. Not the decline of the commodity, but the increasing, blatant historical inadequacy of its forcibly prolonged maintenance. In other words, the amount of resources, institutional and financial, that go today into maintaining commodity form are so exuberant, so extravagant, that they again subvert, undermine the ideological belief in the identity of matter or substance with the commodity form itself, and exposes the commodity form as inadequate, costly, socially costly in its prolonged maintenance. And so we came up with this image of a supernova, because, you know, not being astrologists ourselves, we kind of like the idea that the star is the brightest at the moment when it bursts, when it explodes. So we would like to propose a possibility that the commodity form is the biggest, the strongest, and the swallowest right as it approaches its obsolescence. And couldn't help ourselves to finish with a beautiful quote of the master. At a certain stage of their development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relations of production, or what is but the legal expression of the same thing, with the property relations within which they have been at work hitherto. From forms of development of the productive forces, these relations turn into their fetters. Karl Marx, a contribution to the critique of the political economy. Hey. Yeah. Oh, yeah, of course. Yeah. Sure. So, je vais juste rajouter sur la question de. Là, tu peux le mettre, c'est bon? You want? No, no, sorry, this side, this side. You can just add this side. Okay. Sur la question de l'obsolescence, hein, c'est-à-dire que l'argument ici, c'est pourquoi on emploie le terme d'obsolescence, non pas au sens où on est en train de décrire un déclin de la forme marchandise, bien au contraire, on décrit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'analyses qui vont s'appliquer à regarder les échecs d'une certaine manière, toutes les études sur le piratage, etc., même si c'est un rapport compliqué avec la production commerciale. Ici, nous, on veut dire aussi que, même si on s'est intéressé à ces échecs, il faut aussi s'intéresser au succès, mais que le succès lui-même, parce qu'il révèle cette inflation de dépenses de plus en plus coûteuses pour maintenir des industries entières et croissantes, des types de biens et services entiers et croissants dans la forme marchandise, ils peuvent être décrit comme obsolète, non pas en termes de déclin, mais en termes d'une certaine manière d'inadéquation historique. Donc il y a une forme un tout petit peu normative ici dans cette notion d'obsolescence. Mais c'est aussi ça fait écho au débat sur des marxistes autour de la question de la valeur, enfin des marxistes autour de la notion marxienne de valeur travail, de savoir est-ce qu'il y a une obsolescence de la loi de la valeur. Et le débat est souvent prisonnier d'une notion objective de la loi de la valeur. Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle existait au 19e siècle et c'est les plus valables aujourd'hui? Il nous semble que dans les manières les plus fructueuses de percevoir ce débat, c'est non pas de considérer la loi de la valeur travail comme une loi objective, mais comme une force politique. C'est-à-dire que la loi de la valeur, c'est une imposition particulière de certains types de rapports sociaux sur une société, et que qu'il y a des luttes politiques pour imposer, et parfois à contre-courant historique, la maintenance de cette valeur travail. Mais c'est un petit peu la même chose pour la forme marchandise, c'est-à-dire que la question n'est pas de regarder si la forme marchandise décline ou ne décline pas, mais de comprendre, de certaine manière, de pointer l'inadéquation historique de son enflement, que de manière un peu provocante, comparé au enflement des supernovas, qui sont donc la forme que les planètes prennent, les étoiles prennent avant de mourir. Ouais. Merci beaucoup Olga, merci beaucoup Sébastien pour cette intervention passionnante. Le temps des questions, des remarques, des commentaires est venu. Est-ce que si auparavant certains d'entre vous ont besoin qu'on revienne sur des passages que vous n'avez pas précisément saisis, notamment en anglais, on peut procéder à quelques clarifications si nécessaire. On s'est répété, vous avez vu, on s'est répété plusieurs fois, mais d'une certaine manière, ça peut peut-être être utile. Le texte est dense, de toute façon, oui. Et la présentation aussi, donc c'est pas inutile. Oui. Any chance for quick translation? Yeah. She didn't get what the stake was of the virtual games example. Like, why is it different than brain, for example? Do you want to try it out? So I said it in French. The idea was look at the world in which every form and the possibility of existence of every form was predetermined by the commercial creators of the world itself, right? So we started with the assumption that we're looking here at the perfectly controlled life form in which everything is already a commodity. And then analyzing how exactly transactions take place and what can happen there and what does not happen there, and reading a lot of online material and discussions, we realized that actually the code is also manipulated, and that hijacking can happen even within the perfectly scripted world. So there is nothing such as a complete enclosure of the commodity. So that was kind of the initial interest in looking at the second life. Et c'est un double argument, puisque en fait il reste ambigu, puisque d'un côté on dit que ça paraît être une solution au problème de la réalisation de la valeur, puisque l'espace lui-même est cosmologisé, hein, dans l'espace du jeu, la marchandise elle-même est cosmologisée, mais de l'autre côté, évidemment, on essaie de pointer, les contradictions possibles, et qui viennent moins de la virtualité que en fait de l'inscription matérielle. One interesting possibility or one interesting line of thinking that we didn't explore fully was exactly seeing the real life, so to speak, real life companies appearing as traders in Second Life, in online games, and you know, it would be useful to push to understand how this kind of bridging, the opening of two worlds, may constitute further possibilities for the undermining or for ideological, what do you call it, excesses, ideological excesses of the commodity. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous faites du travail, c'est-à-dire est-ce que ça, vous avez parlé de marchandises, du capitalisme, mais nous, le travail n'apparaît jamais, alors est-ce que vous n'avez pas besoin de travail et, ça va avoir un rapport avec ce que vous décrivez, est-ce que ça n'a rien et à ce moment-là, comment vous l'insérez? La deuxième question, c'est sur le cinéma. Ce qui est bizarre, c'est de ne pas prendre l'économie générale des marchandises, c'est-à-dire au fond, oui, peut-être que le coût de reproduction d'un film a baissé, le coût de faire des documents a baissé, mais si on regarde le coût de fabrication des films, ils n'ont pas baissé en fait, malgré la numérisation sur les dernières années. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dépassées par la promotion, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un peu bizarre, c'est en tout cas une interrogation au modèle que vous proposez. C'est que, si vous voulez, le fait que le coût de reproduction soit plus faible, ça ne dit rien, en fait. Ça dit peu de choses. Du coup, en général, de production, de fabrication, de la marge, de la plus-value, de l'ensemble des produits qui sont des types de produits par ailleurs particuliers. Et la question de la reproduction, par ailleurs, peut être. Si vous voulez, il y a deux points plus pour les films pour la musique. Il y a la question de savoir qui reproduit, c'est-à-dire qu'il y a évidemment quelqu'un de produit, ce qui vient sur. Il ne faut pas, en fait. Nous tous, changeons de. Je peux traduire ta question en deux secondes? So the first question is about work in how about work, for example. You know, we don't include work in the analysis. Labor. Yeah, labor. Well, work. Of work. And then, and the second one is about his experience. And he knows about the movie industry, and he says, well, the production costs have diminished, maybe, but not production costs. So what, how do you, why don't you include the entire system? Mm. The entire. So I can let you think about the second answer in French. Mm-hmm. Bon, alors pour la question du travail, alors, au début de l'article, on essaie de évidemment, forcément, notre argument fait écho au débat autour du capitalisme cognitif, qui est donc essentiellement fondé sur la question du travail. Mais nous, on a conscience que ça y fait écho, mais en même temps, on a essayé de poser des questions qui peuvent y faire écho dans la sphère de la circulation, volontairement. Ça ne veut pas dire que. Qu'il n'y a pas de connexion évidemment nécessaire avec la sphère du travail, mais à l'état actuel de l'argument, on ne voulait pas rentrer. On cite au début, on essaie de citer au début à la fois le capitalisme cognitif, mais aussi tout ce qui a été critique du capitalisme, des thèses du capitalisme cognitif, d'un point de vue notamment marxiste, etc. Mais on essaie de ne pas rentrer dans le débat lui-même, même si. Ce qui se passe dans la sphère de la circulation, il fait écho. Donc, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne. Ça ne veut pas dire que. C'est pas que c'est volontaire, mais c'est pas au sens où c'est un rejet analytique, mais c'est que on a essayé de travailler sur la sphère de la circulation, pas sur la sphère. Comment dire de la production. Voilà, de la production. Si on, évidemment, il y a un lien avec la sphère de la production. Mais l'argument est différent de celui du rapport, enfin, du travail, de la question du travail immatériel, par exemple, et donc de ses critiques. Même si elle y fait écho. The answer I gave on labor. You want to say something on labor? But I don't know what. I don't know what Sebastian already said, so I'm just going. We're testing if we. Maybe exactly. Yeah, tune in straight into his brain wave. Two possibilities come to my mind thinking about labor. First is the false perception that the labor somehow became more intellectual lately, and that it was less so before. One interesting study of this, Richard Sennett's book Craftsman, where he exactly traces the history of labor and the changing nature of labor, and shows that it's much more complicated than what we tend to think, that the labor was not mechanical or manual. There is no such strict separation between these two forms of labor. So in a way, to say that intellect is now captured and brought into the sphere of commodity production in the way it was not before is problematic at best, and maybe even false. And the second way in which I would push this argument, not the argument, the thinking about labor, is looking at the growing number of activities of producing software, it's like civic apps, for example, hacking, where what comes out of the intellectual activity of computer scientists and programmers bypasses the market in the first place, right? It's not intended as a commodity. So the labor itself appears to be already, how would you, I'm losing my ability to even speak in English. The limits of commodification of labor itself may be seen in these growing activities of unpaid community services performed by highly skilled professionals whose labor we could consider intellectual as well. So there is these are kind of two lines of thinking, not necessarily answers that I would provide to your question. Simply because, in defense of us, I would say we were thinking about commodity mainly. Alors, sur la question de l'exemple du cinéma, j'essaie de répondre parce que c'est évidemment une question fondamentale, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est le sujet. Les coûts de production n'ont pas diminué, même s'ils pourraient, d'une certaine manière, ils pourraient diminuer. Il y a des théoriciens qui disent de toute façon ces défis à la fin de marchandise vont produire des diminutions, c'est-à-dire que peut-être que la valeur du salaire d'un acteur a fortement, la valeur disons de marché a fortement baissé de fait à cause de ces choses. Bon, de fait c'est pas le cas actuellement, je veux dire, c'est vrai aussi, non mais par exemple les sources de, il y a des arguments pour dire que les revenus des musiciens en fait doivent fortement baisser de fait avec ces nouvelles contraintes. Alors, la question, voilà, tension entre le coût de production qui n'a pas baissé et les coûts de reproduction qui sont quasi nuls. Eh bien, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, évidemment, bien sûr, c'est vrai, mais c'est justement le problème, et c'est cette tension qui pose problème à la forme marchandise. Et c'est cette tension qui... Alors, il ne s'agit pas d'une dénonciation morale. C'est de fait c'est cette tension qui produit l'inflation prosthétique, juridique et institutionnelle qu'on a décrite. Donc c'est vrai, hein, mais c'est ça, c'est bien, c'est le problème, et d'une certaine manière, et on va plus loin, de dire, oui mais si tout le monde peut copier, etc., du coup la chose ne sera plus produite, et bien je dirais même c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est là la tension, disons, historique qui est en cours et qui doit se résoudre d'une manière ou d'une autre, qui pour l'instant se résout par l'inflation institutionnelle et technologique, mais et par quelques inventions commerciales, mais qui vont reproduire des formes de vulnérabilité qui sont provisoires. Donc la question, c'est comment se résoudre ces problèmes. Mais effectivement, enfin, j'espère que ça ne soit pas vraiment botté en choux, en tout de dire ça. Je veux dire, c'est en fait le cœur des contradictions qu'on décrit. Oui, oui. Je ne sais pas si je vais réussir, ça va être difficile à traduire pour Olga. I don't think it's going to be a label. It's a bit hard to translate that one. That's great. Yes, try. Okay, I'm going to try and answer it. Quand vous copiez, en tout cas dans le cadre théorique qu'on a adopté, quand vous copiez une piste MP3 commerciale, et que vous la donnez à quelqu'un d'autre, évidemment vous ne détruisez pas la transaction initiale, mais vous produisez un nouveau bien qui n'est pas une marchandise. Et donc c'est la marchandise, pour le coup, c'est la forme. Donc là, la forme a changé, on ne peut plus parler de marchandise. Donc là, vous avez une utilisation démarchandisée de quelque chose qui a été produit, évidemment, par un système marchand. Il ne s'agit pas de dire que ça détruit la production. Et bien c'est bien le problème, il n'y a pas de différence, c'est bien le problème. L'idée c'est que d'une certaine manière, tous les biens et services qu'on a décrits, ils peuvent être... Il n'y a pas de différence matérielle entre les deux. Sinon, le fait que parfois on a enlevé les DRM sur des pistes et qui du coup elles sont ou sur des PDF, enfin, et qui du coup peuvent être reproduits plus facilement. Mais disons le contenu en termes de valeur d'usage n'a pas changé. Is it about commercial pirating versus? But you can answer on commercial. But it was about the fact that when you copy something, you just don't destroy the original product. So when it doesn't destroy the commercial production, which is, d'une certaine manière, c'est la question inverse de celle d'Arnaud. You want to answer? But that was the question. It was about the fact that when you copy something, you might see it as a subversive act that is an avoidance of the fact of buying directly commodity, but it also can be seen as the very act of legitimation of the collection that in the first place produced the commodity, as was the nature of my question. And thus can we really see copyright infringement as a real anti-capitalist problem? Well, first, in some cases, yes. That's very clear that in a lot of countries in which we did research, pirating or copying without license and uploading for free is a communal activity of contributing to the public good. People very consciously position themselves as anti-corporate activists. But that's one group, right? What we tried to say today was not about the political meaning of certain acts of copying, of pirating. We tried to show that there are possibilities provided by the matter itself, contained in the matter, which expose the commodity form as an ideological construct, as a fetish. And as we continue, technology develops and we continue with the so-called information economy, we actually not hiding the artificiality of a commodity, but we're exposing it more. It doesn't have to be done as politically rational act of resistance, right? For asking the question, I say in French that it might be slightly off topic. So, I understand what you mean. Okay. About the political activity, I said that there are groups who are doing that for a political reason. There are also fan communities around the world who do not seek either profit, like they are not commercial pirates, nor do they do things for outright anti-corporate critique, but they just pursue a very particular subcultural imperative and copy in this way. But the act we can only consider as pirating within the framework of a current intellectual property regime. Right, 30 years ago, making an album for your friends was by no means a criminal act. Well, now in the U.S. under the current legislature, it is criminal activity. So there is also there is a big influence of interpretive, of a legal framework as an interpretive framework for understanding illegality of pirating and its political meaning. So the comment, what's the difference between a commodity form and monetary exchange? Commodity form and I think yes, if you could give your definition of commodity, I think that everything will be clear. We don't have a very different definition of what a commodity is than the classic definition that includes. There are three properties. Now I'm going to forget. None. You know the. None. Three concepts. One aspect, I forgot the three concepts, which is the classic political economic definition of what a commodity is. The idea is that when you have one central aspect of to make a commodity, a commodity is the control over over its reproduction, so that you're selling something that is not selling your means of production at the same time. So a commodity exchange is a realization of value that does not that gives way to the accumulation of capital. So it requires a monetary transaction, but it's not equated with monetary transactions. And we can think of monetary transactions that are not not commodified, so it's not equated with money. But definitely, the issue of reproducibility is a challenge to that realization. I forgot three. None. Well, I don't know. I'm not sure where you're coming from, but. I don't know. Yeah, in the definition of. You can be seated. I'm trying to search, but you don't know. Have this. I can find it actually. So it can be good. It can be exchange. Oh, you have it. It's a product. Use value, exchange value, and price. No. It's not. No, these are. The I forgot. It can be exchanged. It's a good that produced for exchange in the course of which the surplus value is realized, that then results in the profit appropriated by the owner of the means of production. That's basically the definition without too long searching. Yeah, I'll find it before the end of the session, which is soon. But I think, yeah, for us, the most crucial about the commodity form was to keep it distinct from the monetary exchange, because the money is not the end of the story, right? The money worked just as a medium of a particular value, but we were looking at the forms of value realization and value valorization in the process of exchange. We also considered commodity as a political legal form. So the form that is conquered by the regime of property relations and forms of social contract, but essentially it's a product intended for exchange, for in the course of which a surplus value is generated. And then the crucial to us is that the surplus value is not socially appropriated, but appropriated by the capital, you know, by the owner of the means of production. So it can be exchanged, it cannot be reproduced outside the exchange. And I missed the third one. I think it's about rival. It's regarding the property of being rival, if I recall. To say the form is to say that essentially any life form can be commodified, and to get to the commodification as an ongoing process that basically does not or does not have to have limit in itself. Vous avez dit que ça, donc, les protèges juridiques et technologiques pouvaient vulnérabiliser la fétichisation de la marchandise. Est-ce qu'il y a des cas où ça peut au contraire renforcer cette fétichisation? Oui. Ce serait quoi comme exemple? Mais alors, d'une certaine manière, les cas qu'on a donnés, c'est des cas ambigus, puisque tous les cas de genetic use restriction technology, c'est là, par exemple, vous avez, à partir du moment où de fait, la production, c'est-à-dire que l'existence même du bien initial est déjà un produit d'ingénierie qui a inscrit dans le bien lui-même les limites de la forme marchandise, et notamment, donc nous, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est la possibilité de reproduction en dehors du circuit de la valorisation du capital. Alors la question, c'est, est-ce que on n'a pas étudié, on n'a pas fait des analyses de discours pour montrer comment a été naturalisée cette matérialité génétiquement modifiée? Mais de fait, un des principes de cette matérialité, c'est qu'elle impose de manière symboliquement, elle s'impose par son existence. C'est-à-dire que le fait que ces graines existent en tant que matérialité qui porte déjà en elle la forme marchandise, bon, a cet effet symbolique. Bon, après, effectivement, peut-être que c'est une bonne idée. On l'a pas fait dans l'article, mais on pourrait faire des analyses de texte, montrer comment éventuellement, puisque cette dimension est spécifiquement symbolique, ça pourrait donner lieu à une analyse de discours. Pareil pour les nouvelles technologies. C'est à partir du moment, alors évidemment, par exemple, c'est assez clair que le zonage des DVD, du point de vue du renforcement du fétichisme, c'est à peu près nul. L'effet, il n'y a pas d'effet d'incorporation. Enfin, il y a un effet au contraire de artificialité manifeste, etc. Maintenant, tout ce qui est finalement retransformation en service, d'une certaine manière, je pense que ça a plus d'effet en termes de, comment dire, de naturalisation de la forme marchandise, puisque d'une certaine manière, cet effet symbolique, elle vient du fait qu'on produit matériellement des matérialités qui ont la forme marchandise. Donc, d'une certaine manière, c'est, on est dans un fétichisme, enfin, on est la perception des structures objectives avec des structures subjectives qui peuvent issues de cette. Enfin, voilà, on est dans un cas bourdieusien pratiquement on est dans un fétichisme bourdieusien classique. C'est-à-dire que de fait, il y a l'effet de cette matérialité dans la position symbolique. C'est-à-dire que c'est ça qui la renforce. Maintenant, c'est vrai que je donne des exemples génériques parce que finalement, c'est difficile de dire, de prendre. On pourrait le faire, mais c'est difficile de dire. Regardez, là, on va prendre un discours et clairement, ce discours-là est fétichiste, celui-là n'est pas fétichiste. Bon, c'est un peu difficile. Mais c'est pas impossible d'aller rechercher. Mais c'est vrai qu'on l'a pas fait dans l'article, de faire une analyse de discours sur ces deux, notamment sur ces deux cas. On l'analyse plutôt comme une potentialité, mais en lien avec justement cette voilà, cette matérialité technologiquement modifiée. Allez-y. Moi, ce que j'aimerais juste vous demander, c'est que vous voyez un rapprochement entre cette circulation virtuelle des marchandises et la financiarisation de l'économie qui a eu lieu depuis les années 80. Et est-ce que selon vous, ces deux phénomènes ne sont pas liés? Et est-ce que aussi cette circulation virtuelle est-elle également concomitante avec d'autres formes de capitalisme qui existent toujours, enfin des capitalismes industriels qui ont l'air peut-être plus archaïques, mais qui seraient qu'une forme en fait de l'économie mondiale? Alors. Là, je reprends la première question et la deuxième pour vérifier comment je peux la traduire au gars. La première question, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre la financiarisation d'un côté et. Mais ça, j'ai pas compris. Et quoi en fait? Et l'économie. Et oui, la circulation virtuelle, enfin, en gros, tous les produits, la musique. Okay. D'accord. Okay. Je vois même si le schéma entre les biens qui sont déconnectés de la production, c'est peut-être échangé. Ok, d'accord. Et la deuxième, c'est la relation entre. Savoir s'il y avait cette. Si on peut trouver des formes de circulation comme ça virtuelle dans les formes plus anciennes de capitalisme. Ouais, mais enfin, si. En fait, si c'est pas juste un aspect, peut-être nouveau, mais qui ferait partie de. Look, the first question is about financially asking whether there's a connection between the new sort of virtual economy and financialization, which is a hard question. And the second is about knowing whether there's a we can't find the virtual circulation of virtual circulation or circulation of virtual goods in previous phases of capitalism, whether there are parallels between various phases of capitalism. These are tough questions, huh? Tough questions, okay. So, yes. Can you think about it? I will think about it, yes. Moi, je ne sais pas comment répondre à la première question, parce que c'est au-delà du papier, c'est difficile de répondre. Mais peut-être, il y a une manière de répondre, mais c'est un peu à côté. Il y a deux chercheurs, j'ai oublié de lancer Pagano, c'est toi qui nous avais conseillé le. Pagano et Rossi. Pagano et Rossi, qui vont faire le lien entre. Enfin, qui ont essayé de faire le lien entre. Non pas cette économie virtuelle, mais sa contrepartie juridique, c'est-à-dire l'inflation, ce qu'ils ont appelé overpropertization. Donc en gros la multiplication des brevets et la complexification des droits de propriété et d'une certaine manière une forme de bulle autour des droits de propriété et en fait la grande récession de 2009, enfin la crise financière de 2009. L'argument est un peu complexe, je ne maîtrise pas complètement, mais on cite cet article dans le papier assez tôt, et ça s'appelle, j'ai oublié, The Crash of the Knowledge Economy. The Crash of the Knowledge Economy. Ouais. Donc ça, c'est, je pense qu'eux, ils sont venus décrire ça. Et le deuxième sur la circulation, alors, c'est pareil, peut-être je vais répondre à côté aussi, sur le rapport à la circulation virtuelle dans les les époques précédentes du capitalisme. Enfin, moi, je dirais plutôt, enfin, l'exemple, enfin, qui est par les analystes actuels aujourd'hui, l'exemple qui est donné pour, de parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des technologies de l'information et notamment d'Internet, c'est celui des premières enclosures, agricoles qui ont produit des formes relativement parallèles de production de formes marchandises, d'objectivation de formes marchandises matérielles dans la structure et la forme des propriétés agricoles, enfin des espaces agricoles. Bon, après, encore une fois, c'est pas l'effet, c'est pas la virtualité, etc., mais c'est ce qui se passe sur le plan juridico-technologique. C'est passé en partie de cette manière à l'époque agricole. Peut-être que je peux rajouter juste une dernière question, je sais pas. Dans l'évolution, dans l'époque de la première révolution. Je tenais la question à moins que le gars veuille intervenir, mais je voulais juste évoquer. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé votre papier. Il me semble que, enfin, j'ai quelques questions ou commentaires ou voilà. La première chose, c'est sur le contexte historique dans lequel ça intervient. Le contexte historique dans lequel ça intervient est très important, puisque c'est d'une certaine façon le moment où le monde manufacturier, le monde matériel devient trop plein, non pas trop plein qu'il y ait trop de biens produits en soi, mais trop de producteurs pour avoir des profits importants. Et le moment où émerge toute la littérature sur la propriété intellectuelle, toutes les politiques de propriété intellectuelle, c'est les années 80, où l'élite américaine est terrorisée par le déclin relatif qu'elle est en train de subir avec les rattrapages de l'Asie, du Japon, de l'Europe. Donc, ça, c'était ce moment-là, il me semble important, parce que pourquoi ? D'une certaine façon, ce que nous disent le développement de ces biens immatériel, c'est la difficulté à faire suffisamment de profit dans le domaine des biens rivaux. Et c'est un terme, je crois, que si j'ai dit à la fin, tu l'as dit à la fin, voilà. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est très important. Hein, le concept de biens rivaux, c'est un bien que, lorsque je le consomme, ça n'empêche pas quelqu'un de consommer après moi. C'est des biens qui sont très particuliers. Ça, c'est non-rival. Ça, c'est des biens non-rivaux, voilà. Et donc, des biens rivaux, c'est une pomme, par exemple. Si je mange la pomme, c'est pas grand-chose. Bon. Bien sûr que la marchandise est une forme sociale, mais son adéquation aux biens non-rivaux est évidemment bien plus faible que celle aux biens rivaux. Et je pense que c'est vraiment un des points très forts de votre papier, c'est extrêmement, extrêmement fécond de souligner ce point-là. Alors, il me semble que vous utilisez assez peu, ou je ne suis pas sûr de l'avoir retrouvé, la notion de valeur d'usage, valeur d'échange. Vous ne la reprenez pas tellement. Alors, fondamentalement, c'est ça, hein, le fétiche de la marchandise, c'est vouloir faire coïncider la valeur d'usage avec la valeur d'échange. C'est ça le cœur de la marchandise. Et alors, ce que vous montrez, hein, c'est que cette fiction est de plus en plus difficile à tenir, et il me semble d'une certaine façon même que, vous le savez, ça transparaît dans votre papier, mais c'est pas hyper bien exprimé, c'est que imposer la valeur d'échange à une forme qui lui est plus adéquate, ça veut dire détruire de la valeur d'usage. Ça veut dire détruire de la valeur d'usage. C'est de la valeur d'usage qui est là, mais qui est sciemment détruite. Et c'est ça le fond de l'argument de Pagano et Rossi. Ils disent en gros, dès lors qu'on met plein de droits de propriété intellectuelle partout, on empêche de la production de se développer. Et cet argument, il est extrêmement fort parce qu'il fait la connexion avec la citation de Marx à la fin. Et, voilà, et c'est génial de finir là-dessus avec Marx, c'est vraiment très, très habile, très bien. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très hyper clair, pédago-percutant pour démontrer ça, et j'apprécie beaucoup votre capacité à vous saisir de ce débat-là, sans tomber dans les travers du débat sur le capitalisme cognitif, en vous mettant un pas à côté de ce débat-là. Et je trouve que c'est assez habile et ça permet de, justement d'avancer. Je trouve ça vraiment très bien. Alors, vu que c'était censé être une question, un mot peut-être juste sur la catégorie commun que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est ce que vous évoquez pas, je crois. Est-ce que c'est du coup la conclusion de cette contradiction entre force productive et rapport de production? Sorry, Olga, because I wanted to make clear for everybody. I'll ask you second time. Yes, Et Vincent, une petite question. Moi, j'ai une petite question, mais du coup, qui est un peu, je vais prendre vraiment un fait anecdotique, mais du coup, qui m'interroge par rapport à ce que vous dites. Mais en gros, vous parlez donc de la reproduction à partir de ce que permettent les nouvelles technologies, les modes de copie extrêmement faciles. En même temps, alors c'est d'un point de vue de l'économie mondiale, c'est sans doute peanuts, bien sûr, mais je m'interroge sur le sens qu'on peut donner au développement depuis 3, 4, 5 ans de tous les marchands ambulants, immigrés, etc., qui vendent des DVD piqué dans toutes les rues de Seine-Saint-Denis ou du métro parisien. Bon, c'est sans doute voilà, quelque chose d'anecdotique, mais en même temps, ça veut dire que tout ce que vous décrivez en termes de, bah, de facilitation de la copie, etc., finalement, est réintroduit dans un système traditionnel d'échange marchand avec une production de masse dont je ne sais pas où elle est exactement produite. Et dans les mêmes entreprises qui produisent les DVD. Sans doute, voilà. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi comment, malgré tout, malgré toutes ces avancées technologiques, malgré etc., ce que ça fait penser sur les nouvelles logiques de marchandisation qui se dessinent, finalement, il y a aussi des retours à des choses classiques, mais dans des marchés secondaires et dans des segments de la population très particuliers. Alors, je vais traduire les deux questions, parce qu'en fait, je crois que Olga va bien savoir répondre. The last question that Vincent was about the, asking whether it's all about these, I mean, it's all about these technological mediations, but in the end, there's an explosion of street vendors all around that are going to sell these DVDs. And isn't this, I mean, how does this fit into our general argument? I think you definitely answer that, about street vendors and where they're produced. You said it already. And the second question is about what we do with the comments. What is the place of the comments in our... comments. The comments, yeah. Our comments. The comments, yeah. So, maybe you want to answer the first one and I can try. You know, I kind of found out. You found out, okay. Well, you're too tired. Okay, bon, je vais répondre en français alors à ce moment-là. De ce que je connais aussi de ce que dit Olga, parce qu'Olga a beaucoup travaillé en fait sur ces questions-là, y compris les vendeurs de rue et les circuits dans lesquels les vendeurs de rue s'intégraient. Et donc effectivement, le fait qu'il y a évidemment des copies artisanales, mais très souvent c'est DVD ou c'est CD. Dans des pays, elle est spécialiste de la Russie, donc de ce circuit-là en Russie, ces produits sont produits après la fermeture de l'usine, dans la même usine, parfois par la même... qui souvent sont des sous-traitants, parce qu'il y a aussi... donc par le même sous-traitant, après que les DVD commerciaux ont été... enfin, des verdis, du premier circuit, etc. Alors il y a évidemment tous ces liens, et effectivement, ça reproduit, ça réintroduit de la forme marchandise, mais si vous voulez, à la limite, c'est un truc qu'on n'a pas en fait, mais c'est un projet qu'on voudrait faire, c'est pour disons, mesurer objectivement l'obsolescence en termes... Alors, on a fait un petit peu, puisque là, Olga a cité toute l'inflation du système de propriété intellectuelle, mais on voudrait, sur le plan des technologies, calculer, et ça faudrait, à mon avis, un travail d'une petite année pour récolter ça, l'évolution sur les 20 dernières années de la part de la recherche en développement, enfin, sur des grandes, un certain nombre d'industries, genre en gros, qui représentent une grosse part du PIB, la part de la recherche en développement qui est destinée à produire des instruments de limitation de la satisfaction des besoins. Donc, limitation donc de la copie. Enfin, donc, prendre, donc il faut classer, évidemment, il s'agit de catégoriser, donc ça met très longtemps au niveau du codage, mais de catégoriser les budgets de recherche en développement destinés à limiter les besoins. Et notre hypothèse, puisque c'est en parallèle avec le développement de la propriété intellectuelle, c'est que ces budgets, cette part de recherche en développement augmente. Alors, il faudrait la comparer à la part de la publicité et à la part du contenu de l'appareil juridique, parce qu'il y a... Bon, mais ça, on ne l'a pas encore fait, c'est notre premier article de cadrage là-dessus. Sur les commons, d'une certaine manière, c'est un idéal normatif. Il y a un rapport avec la non-rivalité des biens, mais on a préféré pointer la contradiction. Voilà. C'est les communs, c'est rivaux, c'est bien rivaux. Ah non, bah, non, pas forcément. Il y a les communs tristes, les communs gays. Hein, comment ? Il y a les communs tristes, les communs gays. Les communs gays, c'est les non-rivaux, les tristes, c'est les ressources naturelles. C'est ça. About the commons. On prend une dernière question, puisqu'on est déjà, on a déjà un peu dépassé le temps, mais si vous voulez... Je m'étais dit, je voulais rebondir sur ce lien entre votre envie de travailler sur la recherche et le développement dans la condition, sur la vision de marketing. Oui, oui. C'est, à mon avis, il y a quand même un lien absolument crucial sur le fait que malgré tout, le modèle tienne, parce que si on continue à prendre le ciment, ce qui fait que le modèle supporte de c'est qu'essentiellement c'est des choses qui ont déjà gagné énormément d'argent en écrasant, en étant presque monopolistique dans les endroits où ils gagnent. C'est un peu sourd. C'est travailler sur les livres, les films, etc., qui supportent d'être piratés par autre chose, parce que l'argent est déjà gagné. Il est gagné parce que le marketing est tellement énorme pour le produit de part. Ces objets-là, parce que, à mon avis, un truc important, par exemple, c'est juste pour réagir. Alors, complètement d'accord. En fait, Olga, avec une équipe internationale, elle a peu travaillé sur ces questions-là. Ce lien entre les deux circuits, enfin, y compris le fait... Alors, d'une certaine manière, il y a le monopole, et puis ça permet... En fait, on peut faire ce qu'on veut sur le streaming, mais il y a aussi une incorporation du piratage dans la stratégie commerciale. Ça devient encore plus complexe, puisqu'il y a une sorte de tolérance, puisque, en fait, il y a des pertes de budget, mais il y a aussi des... Il y a plein de cas où en fait on ne participe pas à des pertes de budget puisque la diffusion illégale fait partie de la stratégie marketing. C'est vrai pour les séries en partie, il y a des poursuites, mais il y a aussi des formes de tolérance. Donc il y a un peu ambigu, mais c'est un peu ambigu. Mais encore une fois, ces ambivalences, on peut les réduire si on prend à l'échelle macro et qu'on fait, c'est vrai que c'est notre projet, qu'on fait vraiment ce codage. Des budgets globaux, quoi. Parce qu'on peut toujours dire oui, mais effectivement aussi c'est ce que on a fait un truc en Californie, nous ont dit la même chose, le fait que c'est récupéré dans un circuit, y compris le circuit des gens du piratage commercial, un lecteur dézonné, il y a toute une industrie de contournement, il y a toute une industrie de contournement qui est aussi une industrie commerciale. Mais donc, je pense qu'on peut, c'est des vrais arguments, et donc du coup, on a juste une transformation, destruction créative, créatrice, et en fait, on a juste une transformation des lieux, des centres de profit, etc. Mais on peut contourner ces objections, je pense, si on fait vraiment le calcul global de cette part, notamment, on pourrait trouver d'autres indicateurs, et qui sont trans-secteurs, etc. Donc, qui prennent en compte les transferts de centres de profit entre secteurs ou l'apparition de secteurs parasites, etc. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Olga. On se retrouve le 30 avril pour une séance avec Ben Selvin sur la crise du développement global. Alors pour l'anglais, est-ce que ça va à peu près cette façon-là ou On essaiera de faire des résumés pendant l'exposé quoi, pour synthétiser un petit peu, mais pas de traduction d'ensemble. Voilà. On va faire des pauses et puis. Alors, si tout le monde sait. Ils ont pas parlé en anglais. Eux, ils ont pas fait en anglais. Là. Non. Pas complètement. Not in English. You just said that the next session will be entirely in English. But it's one guy, so we can not split the guy. There was no excuse, right, of making someone work for two. Yes. Sorry. I mean, but it's really hard, no, it's okay, especially in the discussion.